Bien entendu, Marianne l'avait très mal pris. Tandis que Samuel s'habillait en hâte, elle s'était réveillée, et en apprenant qu'il filait à Pérol, au milieu de la nuit pour voler au secours de son ex, sans même savoir quel était le problème, elle avait piqué une crise de rage. De rage ou de jalousie, peu importait, il n'était pas disposé à l'écouter. Tout en fonçant sur l'autoroute, il revit Marianne assise sur son oreiller, furieuse, échevelée, bêtement persuadée qu'elle pourrait l'empêcher de sortir. In extremis, elle avait ravalé l'ultimatum qu'elle était prête à lancer. Néanmoins, le mal était fait. Samuel venait de constater qu'il n'était plus vraiment libre. Son blouson à peine enfilé, il avait franchi la porte sans un mot. Et à présent, au volant de son Audi, il se sentait presque détaché de Marianne, comme si elle appartenait déjà à son passé. Mais enfin, qu'avait-il dit ou fait pour que Marianne s'imagine avoir des droits sur lui? Pas de serment d'amour, pas d'engagement, il s'en était bien gardé. Certes, depuis quelque temps, ils étaient plus proches l'un de l'autre, se voyaient plus souvent. De façon insidieuse, Marianne établissait entre eux une sorte de vie de couple, et Samuel laissait faire. Par lâcheté, parce qu'il ne voulait pas la voir pleurer, par égoïsme aussi, parce qu'il était indéniablement content d'avoir une belle femme aimante dans son lit, plutôt qu'y ruminer seule en songeant à Pascal. Et cette obsession-là, Marianne parvenait à l'atténuer. Il prit la sortie de Marsac, franchit le Tarn et s'engagea sur la départementale 18. Pascal accomplissait ce trajet matin et soir, c'était de la folie. Pourtant, lorsque Laurent avait vaguement évoqué la possibilité de lui obtenir un poste à Albi, Sam s'était senti dépossédé. Non, le mot n'était pas trop fort. Qu'un autre homme puisse aider Pascal le rendait amer. Aurait-il voulu être son unique sauveur, son seul ami? Il n'était plus rien d'autre qu'un soutien pour elle, voire un confident. Et il s'accrochait à ce rôle, le dernier qu'il avait à jouer à son côté. En tout cas, c'était vers lui qu'elle se tournait ce soir, pas vers Laurent. Qu'avait-il donc pu arriver qui justifie son appel au secours? Pascal était une femme sensée, solide. Elle ne le faisait pas venir en pleine nuit pour chasser une chauve-souris. Il longea le mur d'enceinte, aperçut la grille ouverte et tourna dans l'allée. Pérol le fascinait. Il comprenait très bien pourquoi Pascal avait absolument voulu vivre là. En principe, les grandes propriétés ne l'intéressaient pas. Il préférait de loin les joies du ciel aux commandes d'un hélico. Mais Pérol possédait un attrait particulier, qui tenait sans doute à son architecture, à son isolement, au charme mélancolique de son parc si bien planté. Dans la lumière des phares, il découvrit Pascal en haut du perron, emmitouflé dans une parka fourrée. Elle descendit les marches tandis qu'il sortait de sa voiture, et elle vint se jeter dans ses bras. « Tu es gentil d'être venu. » Ses cheveux le frôlèrent, il reconnut immédiatement son parfum, addict. Il le lui avait offert dès son lancement quelques années plus tôt, et elle y était restée fidèle. « Je n'aurais pas dû te déranger. J'espère que ça n'embête pas Marianne. Viens, allons nous mettre au chaud. » Je faisais les 100 pas sur la terrasse en t'attendant, parce que j'étouffais dans la maison, mais maintenant j'ai froid. » Elle parlait si vite, d'une voix un peu hachée, et à la lumière des lanternes de la façade, Sam vit ses traits tirés, ses yeux cernés. Il la suivit à l'intérieur, jusqu'à la bibliothèque dont elle referma soigneusement la porte. Lorsqu'elle enleva sa parka, il ne put s'empêcher de détailler sa silhouette élancée. Elle portait un pull irlandais écru à grosses torsades, un jean gris ajusté et des boots noirs. « Ce que je vais te raconter ne doit pas sortir de cette pièce, Sam. » Devant les rayonnages de merisier, deux fauteuils Voltaire au velours fatigué se faisaient face. Pascal alla s'asseoir et lui fit signe de la rejoindre. « En venant m'installer à Pérol, commença-t-elle, je voulais un peu retrouver mon enfance, comme tu le sais, mais c'est à une sorte de voyage dans le temps que j'ai eu droit. Le grenier est plein de vieux meubles et nous avons fouillé gaiement dans ce bric-à-brac avec Aurore. » Elle s'interrompit une seconde, releva la tête. Ses grands yeux noirs étirés vers les tempes semblaient d'une tristesse insondable. Il eut envie de se lever et de la prendre dans ses bras. Pourtant, il se força à rester assis, attendant la suite. « J'ai trouvé un livret de famille au fond d'un tiroir. C'était celui de maman, son premier, délivré par la mairie du 12e arrondissement de Paris, lors de son mariage avec un certain Raoul Coste, en avril 1966. » Éberluée, Sam réfléchit quelques instants, puis haussa les épaules. « Bon, très bien. Ta mère avait eu un premier mari, ce que tu ignorais. Et ensuite ?»« J'y ai également appris la naissance de leur enfant, en août de la même année. Une fille prénommée Julianne Nan. Julia quoi ? Nan, cela signifie sans souci. C'est la seule chose que maman avait conservée de son origine vietnamienne. Elle-même s'appelait Camille Huong Lan, sa propre mère, Lian Dao. Et manifestement, elle a voulu perpétrer la tradition avec son premier enfant. Cette fois, Sam resta muet. Il avait bien connu Camille, et si bizarre qu'elle ait pu être, l'avait beaucoup appréciée. Mais ni elle ni Henri, avec qui Sam entretenait d'excellents rapports, n'avaient jamais évoqué l'existence de cette Julia. « J'ai voulu en savoir plus, » soupira Pascal. « D'abord, j'ai découvert que Julia est toujours en vie, et à partir de là, j'ai échafaudé des tas de projets imbéciles. Je me voyais faisant la connaissance de ma demi-sœur, et trouvant l'explication de ce mystère absolu. Parce que personne n'en a soufflé mot devant moi en 32 ans d'existence. Que t'a dit ton père ? Rien, je ne lui ai pas parlé. Pas encore. Mais je compte le faire, il sera ici à Noël. Il doit arriver après-demain. Seulement il y a autre chose. » Pascal prit un élastique dans la poche de son jean et machinalement rattacha ses cheveux. Sam avait toujours adoré la voir faire ce genre de geste. « À force de chercher, je viens d'obtenir une information qui change tout. Tout. Tu comprends, Sam ? Je croyais qu'il y avait forcément une bonne raison, une justification quelconque. Maman était si jeune à l'époque. Son mari, ce Raoul Coste, aurait pu garder l'enfant ou... C'est sans doute ce qui est arrivé, » fit remarquer Sam d'un ton calme. Il devinait l'exaspération de Pascal, sa colère, son amertume, et il essaya d'endiguer le flot de paroles qu'il sentait venir. « Ma chérie, dans ces temps-là, les erreurs de jeunesse se payaient cher. Ta mère a dû... Elle l'a abandonné, Sam. Elle a abandonné officiellement son bébé à la DAS. Or, Julia n'est pas... Elle est atteinte du syndrome de Down. » Trop stupéfait pour répondre, Sam vit que Pascal était au bord des larmes. Elle avait pourtant l'habitude de se maîtriser. En pneumologie, elle côtoyait des drames et du désespoir à longueur de journée. « Tu m'as consolée quand j'ai enterré ma mère. Mais en réalité, quel genre de monstre était-elle ? Pascal, attends. Pas de jugement à l'emporte-pièce. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et ce n'est pas ton histoire. Ta mère a existé avant toi et avant de rencontrer ton père. Ils m'ont menti. Ils t'ont sans doute préservée. Pas Julia, en tout cas. » Et ils l'ont sacrifié sans état d'âme. Tu n'en sais rien. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, Sam. C'est d'ailleurs ma mère qui m'a inculqué ces valeurs absolues. Tu te rends compte ? Elle ! Pascal jaillit de son fauteuil comme si elle ne supportait pas d'y rester une seconde de plus et se mit à arpenter la bibliothèque plongée dans la pénombre. Seule la lampe bouillotte sur le bureau formait une tache de lumière. Samuel observa la jeune femme un moment, séduit malgré lui par sa démarche souple, ses longues jambes, ses hanches de gamine. Mais il n'était pas là pour l'admirer. Il devait trouver quelque chose à dire pour l'apaiser un peu. « Camille n'avait pas connu sa mère, » rappela-t-il. « Peut-être a-t-elle répété inconsciemment un schéma qui... Pourquoi la défends-tu ? Pourquoi la condamnes-tu d'office ?» Elle s'arrêta, s'appuya au rayonnage et parut réfléchir à la question. Au bout de quelques instants, il demanda doucement. « Que veut dire Huong Lan ?» Parfum d'orchidée. C'est curieux qu'elle ne m'ait pas donné l'un de ses prénoms vietnamiens à moi aussi. Sans doute a-t-elle jugé qu'en définitive, il ne portait pas bonheur, ni à sa mère, ni à elle-même, encore moins à cette petite Julia. Gardant la tête baissée, Pascal ne fit pas de commentaire. Elle devait se sentir blessée, trahie par ses parents, dont elle n'avait jamais douté jusque-là. Henri avait été un père exemplaire, et Camille une mère très présente, douce, féminine, aimante. Leur image cadrait mal avec cet abandon sordide que Samuel ne s'expliquait pas. Si je n'avais pas acheté Pérol grâce à toi, si les meubles avaient été vendus quand nous avons quitté la région, si Aurore n'avait pas ouvert ce tiroir, je n'aurais rien su. Tu vois tout le concours de circonstances qu'il aurait fallu. Je ne peux pas croire que papa ait cautionné cette horreur. C'est inimaginable. Il va s'expliquer, affirma Sam, qui n'en était pas sûr du tout. Oui, c'est bien ça qui m'effraie, ce qu'il dira. Adrien est au courant ? Non. J'ai essayé de le sonder, je lui ai posé quelques questions, mais le passé de la famille ne l'intéresse pas. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Sauf que sa réaction a été excessive quand j'ai décidé de m'installer ici. J'ai même eu l'impression que papa et lui me cachaient des choses. Probablement pas. Ton père et ton frère t'adorent. D'ailleurs, ils auraient très bien pu faire disparaître ce livret de famille. À condition de connaître son existence, oui. Maman l'avait conservé dans une vieille pochette de plastique gris qui n'attirait pas spécialement l'attention. Mais ce n'est pas un oubli ni un acte manqué. Elle l'a bel et bien gardé. Peut-être désirait-elle sauver une preuve afin que Julia ne tombe pas dans l'oubli. Tu affabules. Oui, admit Pascal avec une grimace. Et j'ai même imaginé pire que ça. À force d'essayer de comprendre, je pense à n'importe quoi. Tout me paraît suspect, y compris cet incendie où la mère d'Adrien a brûlé vive. Sa dernière phrase prononcée à contre-cœur traduisait l'étendue de son malaise. Ce n'est pas une accusation, Sam. Juste une question supplémentaire. C'est à Henri que tu dois les poser. Enfin, pas celle-ci, bien sûr. Pour la première fois de la soirée, Pascal lui adressa l'ébauche d'un sourire. Bien sûr. Elle essayait de faire front, de chasser les doutes qui l'accablaient. Et elle lui parut soudain très vulnérable, loin de l'image de la femme forte qu'elle donnait la plupart du temps. Comment réagirait-elle si jamais le pire se vérifiait ? Était-il possible que Henri soit un salaud ? Et Camille ? Difficile à concevoir, mais au fond pas impossible. Et dans ce cas, Pascal allait subir une déception à laquelle il préférait ne pas penser. « Tu me ferais un café, ma belle ?»« Oui, évidemment. Tu dois me trouver très égoïste de t'avoir fait venir pour te déballer tout ça. » Tant que tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. » Alors qu'elle était déjà à la porte, la main sur la poignée, elle se retourna. « Oh, Sam » Voulait-elle le remercier ? Lui répéter qu'il était son meilleur ami ? Il franchit la distance qui les séparait, la prit dans ses bras. Son étreinte était celle d'un homme amoureux, sans équivoque, et Pascal aurait très bien pu le repousser. Au contraire, elle se serra contre lui. Depuis combien de temps ne l'avait-il pas tenu ainsi ? « Ne me laisse pas faire, » chuchota-t-il. « Jette-moi dehors. » Sans la lâcher, il la prit par le menton, l'obligea à lever la tête. « Pascal, j'ai tellement envie de toi. » Un désir intense, douloureux, qui rendait sa voix rauque. Il glissa une main sous le pull irlandais, sentit la peau satinée sous ses doigts. « Sam, » souffla-t-elle, « c'est mal. » Avec une bouffée d'orgueil, il comprit qu'elle était prête à céder et l'embrassa passionnément. Collée à lui, elle reprit sa respiration avec difficulté. L'entente physique avait été immédiate entre eux, dès la première fois, et ne s'était jamais démentie malgré leur querelle. La veille du jour où leur divorce avait été prononcé, ils faisaient encore l'amour avec désespoir, accrochés l'un à l'autre comme deux naufragés. « Je ne veux pas, Sam. On va trop le regretter. » Il dut faire un effort considérable pour s'écarter d'elle. L'attirance qu'elle venait d'éprouver pour lui, indéniable, il la connaissait trop pour s'y tromper, n'était peut-être due qu'à sa solitude. Elle n'avait sûrement pas couché avec Laurent. Elle prendrait son temps avant de se lancer dans une relation sérieuse, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des envies de plaisir. Cette idée-là suffit à lui rendre un peu de sang-froid. « Tu as raison. » « Et mon café ?» Le merveilleux sourire qu'elle lui adressa alors acheva de le démoraliser. Ne lui restait-il aucune chance de la reconquérir ? Était-il définitivement passé à côté du bonheur, en acceptant que cette femme le quitte 3 ans plus tôt ? Oh, il voulait bien être le père de ses enfants. 12, si elle le souhaitait. Il l'avait toujours voulu. « Viens, Sam. » D'autorité, elle lui prit la main et l'entraîna hors de la bibliothèque.